The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To scare. Faire peur. Scary movie. Le film d'horreur. Disappointed. Déçu. Parent. Le parent. To want. Vouloir. To forbid. Interdire. Cat. Le chat. Now, a bit faster. To forbid. Interdire. Disappointed. Déçu. Cat. Le chat. To want. Vouloir. Parent. Le parent. Cat. Le chat. Parent. Le parent. Scary movie. Le film d'horreur. Disappointed. Déçu. Parent. Le parent. To want. Vouloir. Disappointed. Déçu. To scare. Faire peur. To want. Vouloir. Now, use the words in context. Faire peur. You scared me. Tu m'as fait peur. Le film d'horreur. He wants to see that horror film at the movies. Il veut voir ce film d'horreur au cinéma. Déçu. He is disappointed in that book. Il est déçu par ce livre. Vouloir. I want to see you. Je veux te voir. Interdire. I forbade you to come. Je t'ai interdit de venir. Déçu. He is disappointed in that book. Il est déçu par ce livre. Vouloir. I want to see you. Je veux te voir.